Bonjour à tous et bienvenue pour ce quatrième podcast spécial Coupe du Monde sur footballright.com. Alors aujourd'hui, comme chaque jour dans les podcasts footballright, on parlera des matchs de la veille qui opposaient le Japon au Cameroun, les Danois aux Hollandais et l'entrée en liste des champions du monde italien face au Paraguay. Et tout ça, ce sera donc avec les intervenants que je vais vous présenter maintenant. Inutile de le présenter, il est là chaque jour, c'est Baptiste qui est à mes côtés. Salut Baptiste. Salut Albertine, salut Pierre, salut à tous. Et notre invité du jour est donc Pierre, qui travaille pour la radio EAGTV, une radio sur Guingamp. Salut Pierre. Salut à tous, salut Baptiste. Pour ce podcast, on n'a qu'à prendre l'ordre des matchs normaux, donc commençons tous ensemble avec le match de 13h30 hier qui opposait les Danois aux Pays-Bas, qui s'est soldé sur une victoire 2-0 des Pays-Bas. Une victoire moyenne, malgré que les 3 points s'ajoutent à la poche des Hollandais, car une équipe des Pays-Bas qu'on attendait beaucoup plus haut, avec un jeu beaucoup plus fluide et... D'ailleurs, on n'imaginait pas du tout ce score et un but contre son camp qui aurait permis de débloquer le match. Ben, moi, je trouve qu'ils ont eu de la chance de marquer ce but chanceux contre son camp de Poulsen parce qu'ils n'arrivaient pas à jouer, ils n'avaient pas l'allant qu'on pouvait attendre d'eux. C'est-à-dire un jeu fluide, un jeu rapide avec le quatuor magique, comme on l'appelle. Ils ont eu vraiment du mal et heureusement qu'ils ont mis ce but chanceux parce qu'après, ils ont mieux maîtrisé le jeu. Les Danois n'ont pas été bien dangereux en seconde période et les Hollandais ont tranquillement marqué en fin de match. Ils n'ont pas été convaincants, mais pour un premier match, ils ont pris 3 points, c'est l'essentiel. Ouais, ils sont assez méconnaissables puisqu'on attendait vraiment franchement une victoire 4-0, mais... C'est peut-être la bonne chose parce que souvent ils gagnaient 4-0, ils prenaient 39 points en phase et puis après ils se faisaient éliminer en 8e, donc c'est peut-être enfin le bon moment pour eux. Alors est-ce que d'après vous, si les Danois ne prennent pas ce but assez casquette, ce but contre son camp de la part de Poulsen, est-ce qu'ils peuvent tenir le match nul et repartir chacun avec un point? Pas le match nul, mais en tout cas c'est un autre match parce que juste avant ce but, ils ont... On fait une première mi-temps où ils prenaient en contre assez bien parce qu'ils explosent beaucoup. Hein. Les Danois, ils se trouvent en 2-3 passes, ils se retrouvent devant le but et c'était assez beau à voir. Et c'était plus intéressant que le jeu de la Hollande. Mais après, ce premier but, il transforme le match, c'est un peu une offre. Les Danois offrent le match aux Hollandais. Quoi. Et l'absence de Robben a été quand même assez remarqué du côté des Pays-Bas. Il manque vraiment ce joueur qui a pris beaucoup d'ampleur cette année, notamment avec sa très bonne saison au Bayern Munich. Il n'y a pas de cohésion. Cette équipe n'a aucune cohésion. Ils jouent chacun pour leur pomme. C'est un peu l'image qu'on en ressort. Et devant, Van Persie s'énerve un peu pour rien. Van der Vaart a été limite transparent. Il a été sorti assez vite. Enfin, il y a vraiment beaucoup de joueurs où il faudra se poser des questions pour que l'équipe soit bonne, parce que pour l'instant, c'est vraiment mauvais. Mais c'est peut-être pour ça justement qu'ils vont jamais au bout. Là, ça m'a l'air encore pire que ce qu'on avait avant. Avant, au moins, ils marquaient 4 buts, donc il y avait une forme de cohésion. Puis ils avaient de quoi former une équipe. Là, il y a vraiment pas grand-chose. Et Van Persie, bon, encore une fois, il est limite pas à son niveau. Van der Vaart, on l'a pas vu. Il a fallu attendre la rentrée du jeune Elia pour que ça commence à être bon devant. Et puis voilà, les remplacements assez importants, surtout donc Elia, et puis sinon pas une bonne équipe. Et puis le Danemark, franchement, il faudra voir parce que ça m'a vraiment plu cette équipe. Justement, si on peut parler 2 minutes de Elia qui a fait une très très bonne rentrée, on l'avait vu, enfin moi je parle pour moi parce qu'il a joué contre Guingamp avec Hambourg en Coupe d'Europe cet été, et il a vraiment mis la misère à Guingamp pendant 90 minutes, et là on a vu il a fait quelques bonnes percées sur le côté gauche et notamment à l'origine du deuxième but. Donc on parle du quatuor magique avec Van Persie, Van der Vaart, etc, mais peut-être qu'Elia peut apporter un semblant de cohésion dans cette équipe, peut-être pas en tant que titulaire mais en tout cas en étant un bon joker pour les Hollandais. Donc une entrée très remarquée de ce Elia, mais aussi un très bon défenseur arrière-droit, Van de Viel, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, qui a vraiment tenu la baraque derrière un peu, hier. Oui, c'est à noter. Bah, heureusement qu'il y avait la défense, puisque même la défense, hein, sur les accélérations danoises, elle n'était pas souvent très, très présente. Le gardien a aussi pas mal tenu la baraque, je trouve. Mais oui, ils s'en sont bien sortis, vraiment bien sortis, parce que j'aurais donné un match nul et limite un hold-up danois, ça aurait pas été immérité. On peut passer au deuxième match qui opposait cette fois le Japon au Cameroun. Alors le Japon qui gagne 1-0, un but de Honda, et un Cameroun qui a vraiment, vraiment eu du mal hier et qui a vraiment montré un visage très, très, très, très laid, on peut dire. Eto qui a rien fait, une équipe qui a eu beaucoup de mal à se trouver. Une victoire méritée de la part des Japonais qui ont eu quelques éléments très très forts hier, mais un Cameroun qui a vraiment déçu. Un des matchs les moins intéressants de la Coupe du Monde pour l'instant. Vraiment ennuyeux et un Cameroun, mais je sais pas ce qui se passe au Cameroun. Il y a eu cette histoire entre Eto'o et Mila juste avant la Coupe du Monde. Est-ce que ça joue? J'en sais rien, mais en tout cas, pour l'instant, c'est pas ce qu'on attend. Et puis Eto'o n'est pas forcément mis dans les meilleures conditions, mais après, l'équipe va pas se plier au bon vouloir d'Eto'o, parce qu'il y a d'autres très bons joueurs dans l'équipe. Mais non, c'est pas bon. C'est pas bon. Et le Japon s'est préparé comme jamais. Hein. Ouais. Ouais, pour moi, c'est plus le Cameroun qui a perdu que le Japon a gagné, parce qu'il y a eu énormément d'erreurs techniques au Cameroun. Ils n'arrivaient pas à s'approcher du but en première mi-temps. En deuxième mi-temps, ça a été mieux quand Eto'o est passé dans l'axe, notamment le dernier quart d'heure. Avec la rentrée aussi de Jérémy, qui est vraiment un arrière-droit de métier. Ce qu'on avait bien, c'est pas forcément son poste de prédilection. Et voilà, pour moi, il y a des gros changements effectués pour les prochains matchs par Paul Le Guen. J'espère que c'est pas trop tard pour le Cameroun. C'est un peu comme le Nigeria, en fait. C'est une des équipes africaines qui a fait la moins bonne entrée dans cette Coupe du Monde. Nigeria peut s'en vouloir aussi, parce qu'on a l'impression qu'ils avaient les moyens de mettre en difficulté l'Argentine et ils ont pas su accélérer. C'était un peu le cas pour le Cameroun. À la différence du Nigeria, le Cameroun tombe contre le Japon et pas l'Argentine. Voilà, c'est ça. Et aussi à noter la bonne performance du gardien japonais Kawashima, qui a réalisé quelques bons arrêts hier après-midi à 16h heure française. Il a été bon. Bon, c'est pas non plus génial. On a Honda qui marque son but et qu'on connaissait qu'un peu en France pour l'avoir vu jouer avec le CSKA Moscou. Puis Matsui qu'on connaît de Grenoble et qui a été aussi bon. Donc il y a des bons éléments. Maintenant, c'est le Japon. Et on les connaît pas, c'est ça le problème, c'est qu'on voit jamais jouer ces équipes et on les découvre à la Coupe du Monde et à chaque fois on est surpris qu'ils aient un niveau plutôt convenable. Mais ils sont toujours là en fait. Comme la Corée du Sud. Oui, on parle d'Eto. Ouais, on parle d'Eto aussi sur côté droit qui a fait un mauvais match, mais il ne faut pas oublier que Honda là, a joué en pointe, mais Honda en club joue au milieu de terrain. Donc c'est un peu. Eto devrait peut-être en prendre de la graine parce que Honda a fait un très très bon match et voilà, c'était pas pourtant son poste de prédilection. Est-ce que vous pensez que dans le Cameroun, il y a justement ce qui est un peu aux Pays-Bas, c'est-à-dire que Eto'o a lui aussi un ego assez, assez énorme, assez surdimensionné? Oui. Mais c'est le problème, même Drogba doit l'avoir avec la Côte d'Ivoire, c'est le problème des joueurs, surtout dans les équipes africaines, qui sont mis au niveau de président directement parce que c'est les meilleurs joueurs, parce que c'est des icônes dans leur pays. Mais ça va être dur pour le Cameroun hein, parce que le Danemark ça va pas être vraiment facile et puis alors la Hollande si ils commencent enfin à jouer là le Cameroun moi je donne pas cher. On peut passer donc au troisième match et donc l'entrée en lice des champions du monde face au Paraguay. Les champions du monde qui ont fait un match nul hier soir qui avait pourtant très bien démarré la rencontre mais le système tactique mis en place par les Paraguayens leur a empêché de filer au but à chaque fois. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match et de l'entrée en lice donc des vainqueurs de la dernière Coupe du Monde? Moi, j'ai trouvé que les 20 premières minutes de l'Italie ont été plutôt bonnes. Ils arrivaient à s'approcher assez bien du but du Paraguay. Il y a eu des centres dangereux. Il n'y a pas eu énormément de grosses occasions sur les buts paraguayens. Mais voilà, les Italiens ont rejoint les vestiaires menés au score. C'était plutôt logique vu que les Paraguayens étaient plutôt dangereux en fin de première période. Mais après, je trouve que l'égalisation était plutôt logique parce qu'ils ont été dangereux. Il y a eu énormément de danger sur les coups de pied arrêtés, notamment. On a vu Cannavaro qui s'est fait subtiliser le ballon à plusieurs reprises et c'est De Rossi qui finalement a égalisé. Ils auraient même pu marquer un deuxième but en fin de match, mais les Paraguayens ont tenu et je pense que sur l'ensemble du match, ce match nul est mérité. Bah, logique, l'ouverture du score, je trouve pas, parce que c'est la première fois que les Paraguayens rentrent vraiment dans la zone italienne et les Italiens qui sont juste incapables de marquer parce que Gilardino est quand même assez faible. Yacuinta, lui, il est bon, mais souvent que dans la surface. Il n'avait pas les ballons pour. Maintenant, les joueurs intéressants, c'était plutôt Pepe et Marquisio et surtout Montolivo qu'on a découvert. Et puis Daniele De Rossi qui devient vraiment l'élément indiscutable. Il égalise, bon ça c'est juste un signe, mais c'est vraiment un des grands joueurs de l'équipe. Après, il garde des bases Buffon, Zambrotta, Cannavaro. Il faut noter que Buffon est sorti blessé. Camoranesi a dû rentrer pour que la maison soit un peu plus stable parce que sinon on sentait que ça allait partir n'importe comment. Puis l'entrée de Binatale qui est intéressante et qui pour moi a sa place qui doit être mis à la place de Gilardino. Alors après c'est vrai que la squadra est un peu revenue notamment grâce à l'entrée de Camoranesi et le passage donc en 4-4-2 avec deux attaquants de pointe qui étaient Gilardino et Yacuinta a donné une squadra un peu mieux en deuxième période et qui mérite largement son égalisation. Si on revient sur le match, c'est totalement mérité. il est important au milieu, mais tu aurais pu faire rentrer Gattuso. C'était aussi, à mon avis, c'est une façon de rééquilibrer le milieu qui est un peu jeune et qui manque d'expérience. Et Camoranesi, bon, il prend un carton jaune, mais ça, c'est un peu normal dans le jeu des milieux de terrain italien. À mon avis, Gattuso aurait fait pareil. Et c'est des milieux qui sont vraiment très important, mais que laisser sur le banc, je suis pas sûr que ça soit très intéressant. On peut peut-être en mettre un titulaire et ça permet au milieu d'être un peu plus d'être meilleur en fait, puisque Montolivo et Maquisio ont du mal à jouer ensemble. Alors ils se connaissent pas vraiment, donc il faut un peu de cohésion aussi là-dedans, mais c'est en bonne voie parce que égaliser c'est quand même bien, parce que c'était le genre de match assez piège contre un Paraguay qu'on connaissait pas. Puis, et le seul bon joueur du Paraguay a été blessé par balle durant l'année, donc il n'était pas présent. Et puis sinon, non, du côté paraguayen, moi je note Vera qui a été bon à droite. Et sinon, pas grand monde. Torres à gauche aussi qui était assez bon. D'ailleurs, c'est intéressant à remarquer, mais il s'est passé exactement ce qu'avait prédit Tom hier dans le podcast Football Right, c'est-à-dire que l'équipe d'Italie avait du mal en phase de poule à repartir à chaque fois avec les 9 points. Et quand elle faisait un match nul, si elle devait en faire un dans cette phase de poule de cette Coupe du Monde, ce serait contre le Paraguay qui avait à peu près la meilleure équipe qui pouvait rivaliser contre la Squadra. J'avais quand même l'impression de regarder un match de Coupe de France où t'as Paris qui joue contre une petite équipe de province et qui se fait surprendre et qui après revient. Enfin, c'est un peu dommage de voir ça en Coupe du Monde parce que ça veut dire que l'Italie n'est pas à son meilleur niveau et pourtant c'est les champions du monde entier. Vraiment, à l'habitude de démarrer tranquillement, on va dire, leur Coupe du Monde. Là, c'était l'adversaire le plus difficile, avec ce match nul. Je pense que bon, c'est plutôt une bonne opération, parce que je ne les vois pas vraiment faire match nul contre la Slovaquie et surtout la Nouvelle-Zélande. Donc, pour moi, l'Italie va passer, pas forcément par la grande porte, mais ils seront en huitième de finale et après... Je suis pas sûr que ce soit l'adversaire le plus compliqué. Je pense que la Slovaquie est quand même au-dessus du Paraguay. Mais non, c'est décevant parce que même si, d'accord, je suis d'accord que l'Italie commence toujours très... très doucement, ben là, il n'y a pas les mêmes éléments qu'ils avaient avant. C'est une équipe quand même un peu en transition. Et je ne suis pas sûr que ça marchera aussi bien que ça a marché les autres années. Alors après, je ne sais pas. Peut-être, enfin, on verra lors de Portugal, le Paraguay-Slovaquie, laquelle les deux équipes est la meilleure. Mais le Paraguay a quand même battu l'Argentine et le Brésil en qualification. Donc pour moi, c'était quand même un adversaire de bon niveau pour les Italiens. Ils s'en sortent par un match nul. Mais on verra par la suite. Je pense que 5 points dans ce groupe-là, ça pourrait suffire pour passer. Alors tiens, justement, quand on parlait de Nouvelle-Zélande Slovaquie, on a commencé les podcasts Football Rap, parce que c'est les deux prochains adversaires de la Squadra s'affrontent aujourd'hui à 1h30 heure française. Comment vous voyez ce match, messieurs, qui n'est pas très alléchant, en fait, à première vue? C'est l'affiche du premier tour de la Coupe du Monde, hein. Ça, c'est le match où il y aura le plus d'affluence. Quand même... ça te donne envie de regarder la Coupe du Monde, le match. c'est quand même assez étrange. Ça va être intéressant, parce qu'on ne connaît aucune des deux équipes. Maintenant, moi, je mise plutôt sur la Slovaquie. Ouais, moi aussi, je vois la Slovaquie écraser la Nouvelle-Zélande 1-0. Très bon match. Ouais. Et à 16h, donc, vous aurez le droit à une des plus belles affiches pour l'instant de cette phase de poule de Coupe du Monde. C'est le Portugal qui affrontera les éléphants de Côte d'Ivoire. Les Portugais, donc, privés de Nani. Et la Côte d'Ivoire, on ne sait même pas si Drogba sera remis de sa blessure et sera titularisé. Qui vous voyez remporter ce premier match choc de la Coupe du Monde? Drogba est, pour moi, ce qui décide du niveau de la coupe de son équipe, de la Côte d'Ivoire. Maintenant, je le vois bien jouer quand même le match et tout faire pour pouvoir le jouer. Et je pense plus à un match nul. Moi, j'aimerais tellement voir la Côte d'Ivoire enfin battre une grande équipe européenne. Donc moi, je vais dire 2-1 pour la Côte d'Ivoire. Mais bon, ça va être dur. Mais en tout cas, c'est le match à regarder parce que ce soir, on sera un peu déçus, à mon avis. Par le Brésil-Corée du Nord qui se déroulera ce soir à 20h30 heure française. Moi, j'espère que le Brésil va atomiser la Corée du Nord pour montrer qu'ils sont là. Mais bizarrement, je ne suis pas persuadé non plus. Je pense que le Brésil va avoir du mal parce qu'on ne connaît pas cette équipe de Corée du Nord. C'est le problème de ces équipes-là. Donc, victoire du Brésil, mais pas non plus une énorme victoire. Ouais, moi, je vois une grosse défense des Coréens, mais je vois bien le Brésil mettre 2 ou 3 buts. Je vais lancer un petit pronostic, un but de Michel Bastos, le Lyonnais. Qui a marqué un but, notamment lors du dernier match de qualification, un énorme coup franc qui allait jusqu'à 139 km/h, je crois. Quelque chose comme ça. Eh bien, écoutez, je vous remercie tous les deux pour votre participation à ce 4e podcast Football Right. Baptiste, eh ben, à demain. Si tout va bien, pas de soucis techniques, on te retrouve demain. Ouais, demain. Et Pierre, merci beaucoup pour ta première participation. Ah bah de rien, c'était un plaisir. On vous dit à tous, merci d'avoir écouté ce quatrième podcast et à demain. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. See the champion, take the field down. Unify us, make us feel proud. Hey, las calles, muchas manos, levantadas, celebrando una fiesta sin descanso.